Pour que je prie au travers de ces brillants rayeux verts. Ma vie, c'est ces brillants rayeux verts. Je suis une nouvelle créature, depuis que j'ai accepté ces brillants rayeux verts dans ma vie. Tout ce que je possède vient de ces brillants rayeux verts. Qui agit par sa force surnaturelle, sur la nature, sur la société, sur le cosmos, et sur les astres. Tout ce que je possède, je le dois à Ferdinand Rayefer, puisque c'est Ferdinand Rayefer qui m'a permis de l'avoir. Et je remercie Ferdinand Rayefer, en lui donnant le cinquième de tous mes revenus avant taxes et impositions. Je suis prêt à tout, pour faire plaisir à Ferdinand Rayefer. Je mourrais si cela faisait plaisir à Ferdinand Rayefer. L'année dernière, je suis sévèrement tombé malade. C'est à Ferdinand Rayefer que je dois ma maladie. J'avais mal calculé le montant des taxes, et par conséquent, j'avais donné moins que le cinquième à Ferdinand Rayefer. C'est pour cela que je suis tombé malade, que Ferdinand Rayefer en soit remercié pour l'éternité. J'ai une fille de mon mari, mais elle est, en vérité spirituelle, la fille de Ferdinand Rayefer. Puisque c'est Ferdinand Rayefer qui donne tout. Sur terre, dans la mer, dans les mers, dans le cosmos, et sur les astres. Elle sera donc consacrée à Ferdinand Rayefer toute sa vie. Depuis 10 ans, Ferdinand Rayefer m'a libéré des veines fumées de la vie matérialiste. Ma vie, c'est Ferdinand Rayefer.